comme un cowboy, parti avec les clopes. Il est arrivé comme un cowboy, il est reparti avec les clopes. Avec les clopes. Il est arrivé comme un cowboy, il est reparti avec les clopes. Il est arrivé comme un cowboy, il est reparti avec les clopes. Nous a même pas laissé un paquet de clopes. Nous a même pas laissé un paquet de clopes. Nous a même pas laissé un paquet de clopes. Nous a même pas laissé un paquet de clopes. Il est arrivé avec un drapeau. Voici du riz, il ne colle jamais. Il ne restait plus que la peau sur les os. C'est dans les colis qu'on trouve à manger nos restos.

Jean-Pierre. Jean-Pierre? Jean-Pascal?